Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui vous raconte chaque mois la radio à partir des parcours de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Une mécanique qui ce mois-ci reçoit non pas une marchande de disques mais plutôt une partageuse. Chaque matin sur les ondes, elle partage beaucoup de pépites sonores piochées et repérées dans le vaste univers du grand mix de Radio Nova. Avec une petite dose de vitamine So juste avant, histoire de se mettre en forme, on va faire un voyage immobile dans sa radio, qui est Alpha Beta Gaga. Mon invité se nomme Sophie Marchand, bienvenue à vous. Bonjour. Bon, quelques petites références à ce que vous faites sur Nova dans cette introduction, je pense que vous aurez tout repéré. Ouais, bien amené, merci beaucoup pour cette... Ouais, c'est mon CV à Radio Nova que vous avez bien décrit. Et c'est un plaisir de vous recevoir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Nova dans cette émission, alors que c'est une radio que moi, personnellement, j'écoute beaucoup, et peut-être certains de nos auditeurs aussi. On est à quelques mégahertz en plus d'écart sur la bande FM à Paris. Moi, je vais commencer avec cette traditionnelle première question, Sophie Marchand. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? J'ai jamais fait de radio associative, donc ça me rappelle des souvenirs d'en avoir un peu entendu, capté sur des ondes quand je me baladais sur le poste, mais j'ai jamais fait partie d'un projet associatif. J'ai essayé de rejoindre à une époque une radio de Sciences Po, mais j'étais pas à Sciences Po, donc je n'ai pas réussi. Mais non, mes premiers pas dans la radio, en fait, ça a tout de suite été en tant que stagiaire dans une radio nationale. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais du coup, pas de radio associative, mais est-ce que vous auriez pu franchir le pas? J'aurais peut-être dû, d'ailleurs je pense que ça m'aurait appris 2-3 choses, et puis de manière générale en fait je regrette de pas l'avoir fait, parce que c'est des moments de grande liberté, les radios associatives c'est des endroits aussi de grande liberté, très formateurs, très très libres en termes de possibilités, donc voilà, j'aurais bien aimé, je crois, plutôt que immédiatement me mettre dans le moule d'une grosse radio dont l'histoire me dépasse et m'écrase pas, mais non, voilà, j'aurais bien aimé tester des choses un peu différentes au départ, ça aurait peut-être, je sais pas, ça m'aurait peut-être libéré. Vous auriez eu des idées là déjà comme ça, non? Ah, je sais pas. Avec des copains dernièrement, j'ai rejoint un projet qui est pas une radio associative, mais qui est une web radio indépendante qui s'appelle Monobloc, qui est une radio qui s'est montée d'abord dans les Cévennes et qui après s'est développée un peu dans différents endroits de France avec plein d'idées un peu fourmillantes et un peu dingues. Et je sais pas, j'ai bien aimé remodeler et rediffuser des choses que j'avais enregistrées dans ma vie. Ça va de ma grand-mère, des témoignages de ma grand-mère qui me racontait ses premières amours, en passant par un ami qui, endormi, se mettait à parler, à raconter des histoires. J'ai bien aimé retravailler ces choses-là qui sont très intimes, qu'on va pas diffuser sur une FM nationale non plus, mais qui, quand il y a un public plus restreint, plus curieux, bon, on peut leur proposer ce genre de choses. Et alors, vous parliez de vos premières écoutes de la radio. Tiens, on va peut-être en parler aussi. Vous avez des souvenirs de ces premières écoutes? Qu'est-ce que vous écoutiez? Alors, les premières écoutes de la radio, d'abord, je viens d'une famille où mes parents écoutent beaucoup la radio, dans la voiture, dans le bain aussi. Mon père a toujours un poste de radio à côté de lui et passé le week-end entier à prendre des bains. Donc, on entend à travers la porte de la salle de bain tout ce qu'il écoute. Énormément de radio d'information, France Culture aussi, mais il passe d'une chaîne d'info à une autre. Donc, j'ai des souvenirs de jingle très précis, des souvenirs de top horaire, des souvenirs comme ça de... C'est ça qui me marque le plus. J'ai des souvenirs aussi de retour un peu cafardeux sur le périphérique le dimanche avec des jazz à FIP un peu morne. Ça me faisait peur quand j'étais petite, maintenant j'ai changé un peu de point de vue là-dessus, mais voilà, j'ai des souvenirs comme cela. Et puis après, j'ai un grand frère qui écoutait beaucoup les radios libres, parce que moi je grandis dans les années 90, donc je grandis à l'époque des émissions un peu Libre Antenne. Le Libre Antenne, tout à fait, les Libre Antenne un peu dingo qu'il y avait à l'époque, autant sur Voltage que sur Ado, que sur Skyrock évidemment, et sur WeFM que j'écoutais beaucoup, le Move aussi. Je passais un peu de l'un à l'autre, mais je pense que mes débuts de radio libre, c'est sur Skyrock. C'était quoi? C'était Maurice? C'était avant Difool, non? Non, non, Difool était déjà là. C'est ah, ça bah, c'était après le rap, alors. C'est ça qui est fou, c'est que Difool était déjà en place. Difool et toute son équipe, la Marie, Romano, tous les gens un peu, voilà, qui font partie de la libre antenne de Skyrock et qui me faisaient marrer parce qu'ils étaient complètement irrévérencieux. Puis il y avait cette impression d'intimité. C'est ça, je crois, le principe de la libre antenne. C'était l'idée. C'était comme des potes. Alors, dans les faits, ils étaient plus vieux que moi, parce que moi, je devais avoir 7-8 ans. Mais c'était comme des potes qui te racontaient des potes un peu plus grands, qui te racontent des choses que t'es pas censé entendre. Et puis, le lendemain, dans la cour de récré, on débriefait. Puis, il y avait des blagues téléphoniques qui me rendaient hilar quand ils faisaient des doubles appels. Ouais, et puis ça, preuve du succès, c'est que ça tient encore aujourd'hui, ça passe d'une génération à une autre. Ouais, ça se. Ou d'ailleurs, c'est assez particulier quand je réécoute le doc aussi, qui est toujours sur Fun Radio. Quand je réécoute, parfois, quand je tombe dessus par hasard, je me dis que voilà, il y a des choses qui ont changé, d'autres non. Alors, la musique est une grande passion chez vous aussi, hein, je ne pense que je me trompe pas. Ouais. Alors, la radio de votre jeunesse, est-ce qu'elle a aussi contribué à ce goût, cette curiosité que vous avez pour la musique? Carrément. Alors, la radio de ma jeunesse était le Move. Je pense que c'est à l'époque où le Move fait partie de Radio France, rentre dans Radio France, passe du statut de radio donc toulousaine à Radio France, quoi. Et j'adorais le Move parce que c'était des chansons, c'était du rock, c'était de la chanson française. J'ai des souvenirs d'entendre Trio sur le Move qui j'étais très aimée. Après, il y a eu WFM que j'ai aussi écouté en même temps que j'écoutais Skyrock pour être cool, plus cool que ce que je ne l'étais vraiment. Mais je passais de l'un à l'autre. Mais j'ai des vrais souvenirs de découvertes musicales sur WFM, sur ces trois radios-là, vraiment. Et au niveau des études, la radio, est-ce qu'elle a aussi eu une influence sur vos orientations? Pas du tout, parce que je savais pas, je ne sais toujours pas d'ailleurs s'il existe des études pour faire de la radio. Donc je me suis pas lancée. Enfin, j'ai jamais, à part le fait que j'ai une voix grave, à peu près la même voix que maintenant depuis que je suis petite, à part avoir cette voix qu'on dit être une voix voilà qui peut passer à la radio, à part ça, je me prédestinais absolument pas à faire de la radio. Donc j'ai d'abord fait totalement autre chose. Des études de une prépa littéraire, puis après des études de philosophie parce que ça m'intéressait, même si en fait j'avais pas vraiment de plan professionnel. Je pense que si j'avais pas fait de la radio, je sais pas exactement ce que j'aurais fait, mais je ne savais pas que j'allais faire ça. Et la philosophie, justement, est-ce que c'est ça qui vous a... Alors, c'est pour ça que je posais la question. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à votre premier stage à Radio France? Parce que c'était dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, qui est une émission de philosophie, ouais, je ne me trompe pas. C'est exactement ça. En fait, quand j'ai commencé mon master de philosophie à l'école, j'ai un ami qui, lui, était normalien, venait d'avoir un super stage au Nouveau Chemin de la Connaissance à France Culture. Et en fait, lui a eu une proposition de partir au Brésil. Et du coup, du jour au lendemain, il a lâché ce stage. Et donc, il m'a proposé, moi, comme stagiaire de rechange. Et en fait, c'était vraiment l'avant-veille de la rentrée. C'était le début. Adèle Van Rett reprenait le micro après Raphaël Enthoven. Et donc, tout était un peu stressé. Et donc, ils ont accepté de me prendre comme stagiaire, alors que j'avais pas du tout les compétences, en tout cas le CV de mon ami, qui, lui, était normalien et donc avait déjà fait ses preuves en philo. Donc, ils m'ont accepté comme première stagiaire. Donc j'ai fait ce stage de 3 mois. C'était avant de faire de la philo, mais je pensais à l'origine que c'était effectivement pour en savoir plus sur la philo. Et finalement, ce que j'ai découvert dans cette émission, c'est que davantage que la philosophie, ce qui me plaisait, c'était la radio. Et alors, du coup, premier jour dans les couloirs de France Culture, comment on se sent? N'importe comment. C'était fou. Enfin, c'était très impressionnant. Alors c'est marrant parce que c'est un peu téléologique ce que je vais dire, mais maintenant que je travaille à Radio Nova et que je fréquente des plus petites radios, je pensais que toutes les radios étaient comme ça et que il y avait des milliers de personnes et que c'était, il y avait des étages et des bureaux et des sous-bureaux et des stagiaires et des gens brillants qui couraient partout. Je croisais tu croises les gens qui vont très vite parce qu'ils ont des flashs ou des informations à faire, des gens qui sont sur des dossiers au long cours, il y a des gens emblématiques des studios de Radio France, il y a des gens qui sont des petits jeunes, enfin c'était vertigineux, je dirais. Et donc, pour votre stage, donc, c'était la rédaction de l'émission, c'est ça? Qu'est-ce que vous y faisiez? Quelles étaient vos tâches? La documentation de l'émission, ben, il y avait une équipe qui était constituée des attachés de production, qui était constituée des stagiaires, etc. Et en fait, on décidait à l'avance de ce que seraient les sujets de la semaine d'après. On se répartissait les tâches, chacun héritait d'un sujet. Donc, il fallait lire les livres, les fichiers, préparer les thématiques de l'émission, suggérer des invités, etc. Donc, c'était un travail d'équipe. Alors, je pense que j'arrivais vraiment en toute petite main là-dessus et que je venais suppléer le travail qui était fait par Géraldine Mosna-Savoie aussi, qui était déjà là, qui est encore au Nouveau Chemin de la Connaissance, qui travaillait beaucoup. Il y avait une personne qui s'appelait Tristan. Enfin, on était beaucoup. Et donc, voilà, on participait à la création des émissions. Et ça a été très formateur. Ça vous a servi pour la suite? Ça m'a servi pour la suite. Oui, ça m'a appris le stress du direct, le comment. C'est horrible, ça. Ouais, puis la première fois où Adèle Van Rett a dit cette émission ne se serait pas faite sans, elle nous a cité. Je me suis dit waouh, mais là, le nom est prodra. Ça m'a rappelé en fait que c'était à échelle très large. Ça m'a appris aussi, voilà, les difficultés des interviews. Parfois, t'as super bien bossé ton sujet, puis tu sais pas pourquoi avec l'invité, ça connecte pas comme tu l'aurais aimé. C'est pas une question de travail fourni. Parfois, voilà, ça m'a appris tous ces aléas-là. Alors, je faisais absolument pas de radio, hein. Je suis pas du tout passée derrière. Oui, non, c'était dans l'ombre, c'est un métier d'ombre. Oui, oui, complètement. Et ça m'a appris. Après, ça m'a appris aussi à quel point les choses pouvaient être belles quand on a le temps de les faire avec précision. Voilà, c'est une qualité de Radio France. C'est quand même un luxe et une folie pour celles et ceux qui y travaillent, dans le sens où c'est un, voilà, il y a plein de, évidemment, de contraintes aussi économiques, salariales. On entend, hein, les revendications de toutes celles et ceux qui travaillent. C'est précaire aussi, mais je veux dire, la qualité de ce qui est proposé sur les ondes françaises et notamment sur France Culture, je crois que c'est ça que ça m'a tout de suite marqué. Et ça, c'est grâce à toutes ces personnes de l'ombre dont on se rend pas forcément compte, mais voilà, c'est important aussi d'en parler aussi. Faut les mettre en avant. On va faire une pause musicale, Sophie Marchand. Alors, d'habitude, sur Nova, c'est vous qui demandez aux auditeurs des fois ce qu'ils veulent entendre. Et ben là, on a inversé les rôles. Ça n'a pas été trop difficile? Non, ça va. Bon, ça va. Alors, justement, un morceau qui a un lien avec vos premières écoutes radiophoniques, c'est Jay-Z, ouais, avec Hard Knocked Life. Ouais. En fait, ce morceau-là qui sort en 1998. Donc, à l'époque, j'ai 7 ans. Et en fait, c'est le tube de l'année. Il passe partout sur toutes les radios. Donc, Skyrock, ado. Enfin, vraiment, on entend partout, sauf que j'arrive jamais à l'entendre en entier. Et à l'époque, mes parents nous ont offert, à mon frère et moi, des magnétophones enregistreurs à cassette. Et donc, chaque fois que je l'entends, j'essaie de l'enregistrer. Sauf que je me fais avoir à peu près 80% du temps, puisque je tombe tout le temps sur des jingles. Parce qu'il était utilisé dans les jingles, ou genre, le hit de la semaine, c'est ça. Et en fait, passer que 10 secondes. Et donc, j'avais une cassette, quand j'étais petite, qui était une cassette faite de bouts de morceaux de Jay-Z, avec la fin, parce que j'arrivais sur les 30 dernières secondes, ou juste le jingle. Et je crois que finalement, j'ai fini par l'avoir en entier. Donc, c'était ma cassette Hard Knock Life qui me rendait folle parce que ce morceau est génial. Jay-Z est incroyable. Le sample est fou. Ça parle autant à une enfant de 8 ans parce que ça sample une comédie musicale américaine avec des kids qu'aujourd'hui, je l'écoute avec autant de plaisir. Take the bass line out. Let it bump. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen, for dropping some of the hottest verses rappers ever heard, from the dope spot with the smoke block clinging the murder scene. You know me well from nightmares of a lonely cell, my only hell. But since when y'all niggas know me to fail? Fuck nah, we all my niggas with the rubber grips or shots, and if you with me, mama, rubbing your tits and whatnot. I'm from the school of the hard knocks. We must not let outsiders violate our blocks. And my plot is stick up the world and split it 50-50. Let's take the dough and stay real jiggy. Let's sip the Chris and get pissy. Flow infinitely like the memory of my nigga Biggie. Baby, you know it's hell when I come through. The life and times of Sean Carter, nigga, volume 2. Y'all niggas get ready. Niggas locked down in a 10x4, controlling the house. We live in hard knocks. We don't take over, we ball blocks. Burn them down and you can have it back, daddy. I'd rather that. I float for chicks wishing they ain't have to strip to pay tuition. I see your vision, mama. I put my money on the long shots. All my ballers that's born the clock. No one will be on top, whether I perform or not. I went from lukewarm to hot. Sleeping on futons and cots, the king size. Green machines, the green fives, the scene pies. Let the thing between my eyes analyze life's ills. Then I put it down tight grill. I'm tight grill with the phony rappers. Y'all might feel we homies. I'm like, still, y'all don't know me. Shit. I'm tight real. When my situation ain't improving, I'm trying to murder everything moving. Feel me? Gotta eat, stay on my toes. Got a lot of beef, so logically, I pray on my foes. Hustling still inside of me. And as far as progress, you'd be hard-pressed to find another rapper hot as me. I gave you prophecy on my first joint, and y'all all lamed out. Didn't really appreciate it till the second one came out. So I stretched the game out, etched your name out, put Jigger on top, and drop albums non-stop for ya, nigga. Un petit souvenir qui ravira ceux qui écoutaient la bande FM dans les années 90, Jay-Z avec Hard Knock Life. Alors, moi, on en parlait en off, hors antenne, mais moi, je me souviens qu'à une époque, on en avait un, j'entendais un animateur qui a prononcé GZ. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une faute grave? Non, je crois pas qu'il y ait de faute. Déjà, s'il dit GZ, c'est peut-être que, voilà, il parle pas forcément anglais, et ça, c'est pas une faute. Ensuite, j'aime bien rigoler des choses comme ça, des erreurs qu'on peut commettre. Ce qui serait grave, c'est de maintenir dans le blanc des yeux qu'on dit GZ. Ça, c'est une faute grave. En revanche, admettre qu'on peut se gourer parfois, ça m'arrive évidemment. Sur une émission quotidienne, ça doit m'arriver de dire des bêtises, des. Bah surtout sur une radio comme Nova où il y a beaucoup de découvertes, des artistes qu'on n'entend pas forcément. Il y a ça, puis on a des auditrices et des auditeurs qui connaissent mieux certaines musiques que nous par moment. C'est parce qu'on a des auditrices, auditeurs très qualifiés et en fait, je suis prête à accueillir les retours. Les discussions, les conversations, les précisions et à admettre que voilà, on a tout et toutes le droit d'être imprécis. Sophie Marchand donc est notre invitée dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante. Vous l'entendez tous les matins sur Nova. Alors Nova justement, comment vous y êtes arrivée? Parce que après votre stage à Radio France, après ça, j'arrête. Voilà. J'arrête la radio. Alors comment vous êtes revenue à la radio? Je fais des études pendant 2 ans de philosophie, donc un master de philosophie. J'aime bien ça, mais je me rends compte que je vais pas être philosophe parce que déjà, je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ensuite, j'ai pas envie d'être professeur, j'ai pas envie de faire une thèse, je suis un peu perdue. Et donc, je me dis, bon, j'ai un été pour essayer de me trouver. C'est l'été 2013. Et je demande à mon frère, qui est mon grand frère, s'il connaît pas quelqu'un qui bosse dans une radio. Il me dit qu'il a un ami qui bosse à la radio et à Nova. Donc, moi, mon cœur fond, parce que j'ai pas eu le temps de vous le raconter, mais mes années lycée, c'est du Nova matin et soir et les compil Nova, enfin c'est tout. Et donc je lui envoie un message en lui disant je suis dispo cet été pour servir les cafés, vous accompagner partout, je vous suivrai si vous avez besoin de moi. Et c'est un stage au web de Radio Nova, donc pour écrire, mettre en ligne les podcasts, écrire des articles à l'occasion, enfin vraiment un stage comme ça. Et en fait, Radio Nova étant ce qu'elle est, en quelques jours, ils m'ont proposé de venir faire une chronique à l'antenne et puis dépanner un type sur une grande tournée et puis les fils en aiguille, voilà. Des fameuses nuits zébrées, hein, c'est ça, pour les tournées? Ouais, non, les grandes tournées. La grande tournée, c'est ce qu'on fait l'été. Ah, grande tournée. Ouais. Oui, voilà, ça me revient. Ouais, la grande tournée, c'est les émissions estivales qui sont géniales, où on parcourt la France et parfois même on pousse plus loin. C'est des équipes qui sont itinérantes, qui changent. Et en fait, on animait, alors ça change parfois de format, mais en gros, c'est 17h-20h, où on va rencontrer les auditrices et auditeurs partout. On va parler de culture du coin local avec des boss de la, ouais, je sais pas, de boss de salle, des DJ, des disquaires, des assos, des personnages locaux. Enfin voilà, on va à la rencontre de tous les endroits où Radio Nova est écoutée. Alors, même question par rapport à votre premier stage. Votre premier jour à Nova, comment vous vous êtes senti? Ça a dû vous faire un drôle d'effet. Autre chose, c'est une autre ambiance. Là pour le coup, c'est un. Je suis plus grande. Hein, je suis plus grande. Ça jouait 2 ans, mais je crois que j'ai développé une autre conscience déjà à l'époque. C'est le bordel quand on arrive à Nova. C'était les anciens locaux, donc étaient pas les locaux originels du Faubourg Saint-Antoine, mais ceux de Ledru-Rollin. Mais c'est encore le bordel, soyons honnêtes. Les studios sont ouverts, les gens parlent fort. C'est l'été, il fait chaud, on est un peu les uns sur les autres. Les gens sont rieurs. À Nova, faut savoir que les gens rient beaucoup. Et en plus d'être très très très sérieux par moment, ils savent beaucoup rire. Donc je crois que j'ai une impression générale de c'est un monde dans lequel j'ai envie d'être. Dès le premier jour, je me dis, c'est des gens qui sont fous, qui sont différents de celles et ceux que j'ai côtoyés jusque-là, mais je crois que j'ai envie d'en être et je vais faire mon maximum pour en faire partie. Et ben là, c'est vrai, vous faites partie carrément, comment dire, du marbre de cette radio. j'espère, je sais pas. D'ailleurs, vous allez retrouver votre place petit à petit au fil des années à l'antenne, puisque rentrée 2016, là, on vous offre un binôme avec David Blo dans son Nova Club tous les soirs. David Blo, c'est pas rien, parce que c'est un des noms historiques de la maison. Ouais, c'est David Blo lui-même, d'ailleurs, qui m'offre cette place-là, sachant qu'en fait, quelques mois auparavant, on apprend la mort de Prince, à 3 minutes de l'émission. Prince, dont David Blo est un immense fan, et évidemment il improvise une émission hommage, mais il l'improvise en ayant envie aussi d'avoir un complément, un peu d'information, et donc il me demande est-ce que tu peux te mettre sur l'ordi et compléter ce que je dis, sachant que David Blo fonctionne et s'en fiche, hein, c'est quelqu'un qui a une mémoire extensible, je sais pas comment on dit, mais une mémoire immense de la musique, et certainement quand il s'agit de Prince, dont il est un des grands grands amateurs. Mais voilà, il avait envie d'avoir un complément, donc on fait cette émission ensemble, et puis je crois qu'à la fin de l'émission, il se dit ça pourrait être cool l'an prochain de tester une nouvelle formule du Nova Club, et donc il me propose de le rejoindre pour faire des journaux de la culture, des journaux musicaux, passer des petites nouveautés aussi, puis venir voilà juste compléter un peu son point de vue, enfin compléter à une autre échelle, hein, à mon humble échelle, mais être là aussi avec lui en studio. Alors il y a eu le Nova Club, ensuite il y a eu Bam Bam, le bureau des affaires musicales. Ouais. Là c'était vraiment autour de l'actualité musicale et il y avait toujours du beau monde dedans. Jean Morel. Avec Jean Morel aussi. Bah ouais, Jean Morel, c'est mon, pour le coup. On est rentrés à peu près en même temps à Radio Nova ensemble. On a commencé sur le web ensemble. On a travaillé 2 ans et quelques seuls à deux sur le web et c'était merveilleux. C'était très très libre comme moment. C'est un ami, donc c'était en plus un sacré cadre de travail. Après, on devait tenir seul tout ce qui était les podcasts, le web, le CM, les vidéos de Radio Nova. Enfin, ça a été voilà tout un le côté éditorial, hein, parce qu'il y avait plein de gens aussi qui travaillaient à la question technique. Mais ça a été mon binôme. Ensuite, je suis allée au Nova Club, donc on s'est un peu j'ai changé d'un étage. Et ensuite, il a été question qu'on fasse cette émission ensemble, qu'on a créé vraiment à deux et qu'on a proposé à deux et qu'on a obtenu à deux. Et on était tellement fiers. Et puis en 2020, soudain, le Covid vient frapper à nos portes. Ouais, salut. Et là, ça chamboule tout. Moi, je m'en souviens, Nova l'a complètement transformé sa grille. Et là, vous annoncez sur Twitter, bam bam, ça arrête. Ouais, on l'annonce sur Twitter. Il y a le mois de mars 2020 où tout le monde s'adapte, tout le monde fait ce qu'il peut. Donc on décide à Radio Nova de prendre Armel M et Marie Bonisseau vont prendre les micros avec Malo Williams notamment à la réalisation, histoire d'assurer en fait le direct, le quotidien, le lien avec tout le monde, et ils assurent ça d'une main de maître. Moi, j'en étais pas capable, je crois, à ce moment-là. J'étais un peu tétanisée. Donc voilà, je fais volontairement ce pas de côté vis-à-vis de l'antenne quotidienne pour plein de raisons. Et donc, à un moment, on me demande de revenir à l'antenne. Je reviens, mais du coup, je reprends l'émission que Marie Bonisso avait un peu installée. Bref, en fait, les choses ont été structurellement modifiées. Les gens avaient envie d'autres choses aussi pendant le Covid. Le début de la pandémie, ce qu'ils voulaient, c'était se distraire, penser à autre chose, avoir des gens qui les accompagnent au quotidien, avoir de la bonne musique, tout simplement. Donc, on a un peu modifié la promesse, en tout cas, de Radio Nova sur la structure quotidienne d'émission. Puis on s'est rendu compte que c'était aussi peut-être ce que voulaient les gens, c'était peut-être proche de ce qu'ils attendaient. Puis la pandémie n'étant toujours pas terminée, on ne sait pas. C'est ça. On ne sait pas, mais voilà, ça a été une adaptation un peu. C'était brutal au sens où ça l'a été pour. Parce que voilà, on change tout d'un coup d'un quotidien. C'était mon quotidien, bam bam, avant ça le Nova Club. Et tout d'un coup, petite révolution à l'échelle d'une grande révolution qui est une épidémie. Bon, néanmoins, vous avez quand même réussi à donner naissance à un nouveau bébé sur Nova, tout en alliant votre passion musicale. C'était les voyages immobiles. Ouais. Ça, c'est un bon concept aussi. Comment c'est venu cette idée? C'est venu de à quoi je vais servir, de la question de mais à quoi je vais servir maintenant. J'étais isolée j'étais pas à la radio pendant le début du Covid et tout d'un coup je me suis dit ouais mais moi qui ne sais faire que j'ai l'impression de savoir faire que parler à l'antenne tous les jours parce que ça faisait quelques années que je faisais ça tout le temps. Tout d'un coup je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Donc ce sentiment un peu de désœuvrement, l'idée de mais maintenant qu'on peut, enfin je sais pas, maintenant qu'on peut plus voyager, maintenant qu'on doit un peu c'est une période pour moi, le Covid, où on a réuni de manière autour de nous les choses qui étaient assez essentielles pour nous, donc les proches, on s'est enfermé un peu et je me suis dit comment essayer d'ouvrir quand même ces espaces d'enfermement, comment faire en sorte que ce soit pas des replis culturels, identitaires, musicaux. Et donc j'ai essayé de me solliciter ma propre mémoire pour me souvenir des époques et des périodes où je ne pouvais pas voyager, où je ne voyageais pas, où j'étais devant ma télé, mais malgré tout, devant mes bouquins ou en écoutant la radio, mais malgré tout, j'arrivais à visiter donc des mondes. Et je me suis dit, bon, essayons de recréer ce truc-là, de comment est-ce que parfois c'est les fictions, c'est les supports créatifs qui ouvrent sincèrement des portes vers d'autres univers. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Alors au début, le premier épisode sur le Japon, je l'ai enregistré sous ma couette, avec un zoom, donc qui est un appareil enregistreur de qualité. Voilà, c'est pas un studio de radio. J'ai monté ça, découpé ça toute seule. Après, il y a eu des réals qui sont passés dessus pour le mixer, mais c'était très très très artisanal au début. Mais c'est ça qui fait le charme de la radio, je trouve. Alors pendant le confinement, surtout, on l'a bien ressenti. C'est le rôle de partage et d'évasion que ça peut offrir. Et c'est vrai que les voyages immobiles, justement, on pourra en avoir écouté quelques-uns, c'est vrai que ça nous faisait évader d'une autre manière. Moi, j'ai écouté celui du Japon. Après ça, j'ai passé une soirée à rechercher des sons City Pop 80 sur YouTube. Comme quoi, ça fait son petit effet. Non, mais c'est vrai, il y a aussi un travail d'archivage aussi, je pense. Ouais. Parce que vous fouillez des fois dans les archives de Nova également. C'est ça. Et puis, il y a surtout l'époque où j'ai travaillé dans des émissions d'actualité musicale. Donc, tous les jours, il fallait être à l'affût de ce qui sortait, des nouvelles tendances, des nouveaux artistes. Mais quand tu fais ça, t'es pas beaucoup dans une démarche de patrimoine, justement, ou de matrimoine. T'es dans un espèce de recherche permanente de ce qui viendra après. Et puis là, le monde se met en pause. Donc quand je dis le monde, c'est aussi les productions. Enfin, on se souvient, mais il n'y a plus de musique qui sort, il n'y a plus trop de livres qui sont publiés, il n'y a pas de films. Enfin, tout est retardé, tout est mis sur pause. Et je crois que ça m'a donné le temps justement de me dire, attends, avant de vouloir être en permanence en train de chercher le futur truc de je sais pas quoi, qu'est-ce que j'aime basiquement, et de me souvenir de mes premières émotions de cinéma, de regarder mon frère jouer aux jeux vidéo et de l'entendre, d'entendre, parce que j'avais pas le droit de jouer parce que j'étais trop mauvaise, mais de l'entendre pendant Final Fantasy, entendre les morceaux géniaux à la fin des combats ou quand on change de niveau, j'ai un vrai souvenir de ça, ou des films que me montraient mes parents, de Takeshi Kitano dont je suis devenue très grande fan. Enfin voilà, l'idée c'était aussi de fouiller ce sur quoi, en fait, ce que j'avais accumulé comme petit trésor aussi avec le temps, plutôt que d'être toujours en train de chercher comment constituer un peu plus ce trésor-là. Alors, vous parliez de vos premières écoutes, vos souvenirs. On va en faire un deuxième, justement, puisque c'est la deuxième pause musicale. Alors là, c'est un son que moi, j'aime beaucoup, que j'ai dû écouter aussi à l'époque. C'est Troll Siebenhaar. Alors, c'est pas une personne, c'est deux personnes. Ouais. Anne Troll, chanteuse, et Siebenhaar, qui est DJ, producteur, je crois. Ouais. C'est Sweet Dogs. C'est un morceau, ouais, que j'entendais sur Radio Nova. Vous voyez, j'allais dire, moi, Trolleux et Sibenard, parce que je savais pas qu'on disait Sibenard. Et c'est pas très grave que je me sois trompée de... c'est moi qui me trompe, hein, je pense. Mais c'est voilà, Trolleux et Sibenard. Ce morceau Sweet Dogs, je l'entendais sur Radio Nova quand j'étais au lycée, parce que j'ai commencé à écouter Radio Nova quand j'ai voulu devenir quelqu'un de cool. Et donc, j'ai compris que c'était la radio qui était la radio musicale de pointe, et puis avec des gens complètement fous, avec des animatrices et des animateurs que je trouvais brillants et dingues et détonnants et respectueux des mondes qu'ils côtoyaient. Je trouvais que c'était tellement ouvert, je trouvais ça incroyable. Et puis je me suis rendu compte aussi que moi, ça me permettait de, quand je dis devenir cool, c'est au sens où ça me permettait d'avoir une culture musicale qui était chouette, quoi. C'était trop chouette de pouvoir dire, tu connais ce morceau suédois qui s'appelle Sweet Dogs par un groupe Trolleux et Sibenard. Je le mettais même sur ma page MySpace à l'époque, parce que c'était stylé. It's always hate, troubles in your mind. Take back the pain, but got the rain. I don't know why. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Reaching out and find, and I'll never be late. Sweet doves, sweet rain, never come and go. I'm oh so fine and ready to blow. I'm oh so fine and ready to blow. She keep on singing that. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. Sweetness comes and goes, and I'm always here to stay. She keep on singing that. Sweet dogs, sweet rain, never come and go. She keep on singing that. I'm old, so fine and ready to blow. Take back the line, go back, I'm sure. Every time I want more. Take back the fruit, I'm here to rule all the time, I'm sure. Sweet talk, back clap, oh baby, it all makes sense. This is how you keep waiting, and I don't know why. She keep on singing that. Sweet dogs, sweet rain, never come and go. She keep on singing that. I'm old, so fine and ready to blow. Troll et Sibenard avec Sweet Dogs en 2007. C'est le deuxième choix de Sophie Marchand de Radio Nova qui est avec nous dans la mécanique des ondes pour nous partager sa radio qui passe de bons moments à Nova, qui partage de la musique. Et alors, qui a sur son CV maintenant une nouvelle ligne ajoutée depuis septembre dernier, puisque maintenant vous êtes rédactrice en chef de Nova. Oui, avec tous ces bruits-là, toutes ces onomatopées-là. Ouais, non, on coupera au montage. Hein. Ouais, je suis rédactrice en chef de la radio depuis septembre, effectivement, après Marie Misset, qui a été une super rédactrice chef et qui est partie. Et donc, on m'a proposé ça et j'étais très honorée, très contente. Et voilà, c'est bah après, Radio Nova étant ce qu'elle est, toutes les émissions sont très indépendantes, autonomes. Toutes les émissions sont, voilà, qu'on parle de La Matinale ou de Thierry Paret ou de Jeanne Lacaille ou de Néo Géo, d'Isadora Darciel ou de David Blow. Enfin, c'est des animatrices, animateurs qui ont tout à fait l'habitude de faire les choses par eux-mêmes et d'être là. Mais c'est l'idée de superviser, enfin, de coordonner mieux les choses, peut-être. Donc, c'est là que joue votre rôle, c'est harmoniser un peu le tout sans casser non plus la liberté éditoriale de chaque tranche. Il y a de la liberté totale. Oui, non, c'est vraiment ça l'idée, c'est d'harmoniser les choses, en tout cas de les rendre, de faire mieux circuler les informations. Parce que voilà, Radio Nova, c'est une radio, c'est le bordel, on l'aime pour ça, mais c'est du coup, ouais, parfois on est un peu, on a du mal à, on se voit toute la journée et pour autant on n'arrive pas à se faire passer des infos essentielles, enfin des trucs comme ça qui font tout à fait le charme de Radio Nova. Et l'idée, c'était un peu d'encadrer ça. Alors, comment on définirait la ligne éditoriale de Nova, du coup? Parce que on connaît Nova, la radio musicale, qui fait découvrir des choses, mais il y a aussi tout un esprit qui gravite autour de Nova, un esprit underground et culturel, forcément, parfois engagé. Ouais. Bah alors, justement, l'engagement, je crois qu'il est encore essentiel et il est encore là. C'est marrant, tout à l'heure, je discutais avec quelqu'un qui disait « Ah, mais Nova, vous n'êtes pas une radio politique. » Et c'est vrai qu'on n'est pas une radio où on fait ni du débat politique, ni de l'émission politique. En revanche, je crois qu'on a une charge, on a hérité d'un engagement, celui de Jean-François Bizot, enfin s'engager pour les cultures de partout, du monde entier, pour donner la parole à absolument tout le monde, c'est déjà un engagement énorme, surtout dans l'époque à laquelle ça a été fait, et puis même aujourd'hui. Donc je crois qu'on a quand même cet engagement là dont on a hérité, de donner la parole à tout le monde. Je crois aussi que l'idée des cultures alternatives, c'est quelque chose qui est encore essentiel à Radio Nova, c'est-à-dire qu'on doit et on veut et on tient à représenter des cultures de partout, ne pas céder aux sirènes du mainstream, entre guillemets, de toujours faire un pas de côté pour ne pas parler de ce dont parlent tous les autres médias, essayer de continuer à informer aussi autrement. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire musicalement. On tient notre engagement là-dessus aussi, hein, de continuer à ouvrir les oreilles de tout le monde. On essaye aussi d'être très humain à une époque où les algorithmes ont pris le dessus et on pourrait se laisser guider par des algorithmes, on pourrait se laisser guider par des conseils de si tu mets ça, il faut écouter ça, puis les gens voudront ça et tu joues ça. On essaye toujours de surprendre et en fait c'est parce qu'on a des gens qui sont extrêmement talentueux, qui sont des programmateurs très talentueux, qui ont les mains libres pour imaginer la trame musicale de Radio Nova. Et ça, c'est un peu la promesse qu'on essaye de faire, c'est de continuer à sonder les mondes, de continuer à s'interroger, à se renouveler nous-mêmes, à fouiller, à se remettre en question, pour essayer de garder un pied dans le concret et le contemporain. Et à ce poste de rédactrice en chef, donc vous héritez d'un sacré ADN, celui de Nova, qui est historique. Mais du coup, est-ce que vous pouvez y injecter un peu votre patte personnelle, s'il y en a une? J'imagine, oui. J'ai la liberté de le faire, en tout cas. Ouais, après, ma patte personnelle, elle n'est pas, vu que je suis un bébé Nova, j'ai pas grand-chose à dire sur quoi que ce soit sur les émissions. C'est plutôt sur l'envie de développer les podcasts, par exemple, l'envie de passer de ce côté-là, d'être plus visible sur les podcasts natifs, originaux, de créer des formats musicaux plus identifiés. C'est peut-être ma patte, elle est là-dessus, plutôt que sur l'éditorial précisément, elle est sur le formel, entre guillemets. J'ai envie que les gens puissent entendre ce qu'on fait à Nova, j'ai envie que les gens puissent avoir accès plus facilement à tout ce qui est produit à la radio, au quotidien. J'ai envie qu'on puisse mettre en valeur toutes les archives de Nova qui sont malades. La mécanique des ondes. Avec Sophie Marchand de Radio Nova, donc aujourd'hui avec nous pour encore quelques petites minutes. Alors, on parlait de podcasts natifs, justement. Moi, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment bien foutus. Et puis, les sujets sont passionnants. Moi, j'ai dévoré celui sur les 40 ans de Nova avec les archives. C'est inspiré d'un article de Jean-François Bizot, l'actuel. Oui. Il y a eu celui de Suprême pour la sortie du film Suprême autour de NTM. C'est Des Vies Suprêmes, le nom du podcast, ouais. Avec des témoignages de gens qui ont été bercés par NTM. Mmh. Donc tout ça, c'est à découvrir, à écouter sur nova.fr. Ouais, je suis un vieux, j'ai failli dire novaplanète.com. Ah purée, ah ce site, ce souvenir. Ouais. Non, nova.fr. Juste avant de passer à la partie questions, tiens, ouais. Est-ce que vous saviez que vous aviez dans vos auditeurs un certain Lenny Kravitz ? Ça, c'est, sachez que oui, je le sais, que c'est notre grande fierté. On se liste parfois les quelques auditeurs américains. Alors on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent de l'autre côté à d'autres horaires parce qu'ils tombent sur Nova la nuit, donc ils ont l'impression que Nova n'est qu'une discothèque infinie et incroyable de musique, ils ne sont pas au courant de Lidl, mais gardons les choses comme ça. Et Lenny Kravitz l'a dit, Emma Stone aussi. Dans Gala, mais, ouais, Lenny Kravitz a dit qu'il adorait Radio Nova, ben évidemment qu'on adore. Alors pour dire texto, je le cite, en gros il critiquait les maisons de disques et ouais. Les programmateurs de radio parce qu'ils passent toujours les 15 mêmes chansons en boucle, et là il termine en disant « Heureusement il existe des radios comme Nova à Paris qui nous éduquent musicalement. » En France en plus, ouais, carrément. Et ouais, c'est un grand plaisir. Pensez à lui la prochaine fois, vous passerez du Kravitz sur Nova. On va passer à la question capsule maintenant. Précédemment dans la mécanique, c'était Marc Voinchet, le directeur de France Musique. On l'écoute. Je suis ravi, cher Eddy, de votre invitation à parler à une consoeur d'une radio que j'aime beaucoup, Radio Nova. Chère Sophie Marchand, nous avons des centres d'intérêt que les auditeurs d'Eddy connaissent bien, avec notamment le penchant marqué pour la musique brésilienne. Que j'aime tant et que je sais vous avez défendu longtemps avec le célèbre Rémi Colpacopoul. Ma question sera moins glamour que ces propos introductifs parce que, vous le savez, on dit partout que le média radio est de plus en plus déserté par les jeunes, par qu'il y a encore quand même une partie de la population qu'on va dire un peu âgée qui reste attachée à ce média radio, mais enfin, il est passé de 85% de cote d'amour à moins de 75% en 10 ans dans toute la population française. Alors, on va dire que 74%, c'est encore un beau chiffre, mais quand même, on parle d'érosion, de nouvelles pratiques, de détournement d'attention, les réseaux, les plateformes, que sais-je. Ma question sera la suivante, Sophie Marchand, l'heure est grave. Est-ce que vous pensez que la radio est morte ? Elle est dure, celle-là. Elle est dure, mais elle est sincère. Il faut imaginer que c'est quelque chose qui nous occupe au quotidien, cette préoccupation. Je crois pas du tout que la radio soit morte, et je crois que Marc Voinchet, lui non plus, n'y croit pas. Je pense que la radio va, on va séparer peut-être les contenus un peu, on va essayer de... Ça me rendrait tellement triste que la radio soit morte. Non, parce que je crois qu'il y a des choses. La radio, ça reste par rapport aux plateformes dont parle Marc Voinchet, ça reste la surprise. Ça reste des humains qui la font, c'est des gens qui l'animent, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui tiennent les micros. Les machines aussi sont des gens qui choisissent des disques, qui choisissent d'en parler ou pas. Et je crois qu'en fait, l'humain, vraiment, c'est assez basique comme réponse, mais l'humain n'existera pas ailleurs que dans la radio. Et plus la radio gardera ce lien à l'humain et à la décision humaine et du coup à l'arbitraire aussi et à l'accident et à la sérendipité et au choix très personnel, tant qu'on gardera ça, on restera vivant. La radio, c'est la vie, pour résumer. La radio, c'est l'organique, c'est la vie, effectivement. Et la radio, c'est la surprise, surtout. On ne sait jamais ce qui va arriver. Alors, il nous reste quelques minutes encore, Sophie Marchand. On va terminer avec le questionnaire rapide. Ouais. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle ? Ah, une personnalité radio qui pourrait être mon modèle. J'adore Sonia Kronlund, Les Pieds sur Terre. J'adore écouter son émission. J'aime sa voix. J'aime ses introductions si particulières et si bien écrites. J'aime sa manière aussi de donner la parole à des journalistes et des journalistes qui font un travail de fond assez dingue. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? Ah, Skyrock. Hein. Quelle radio vous réveille le matin ? Bah Nova. J'écoute Nova. La radio qui vous endort le soir ? J'écoute des podcasts le soir. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Ah, dans la voiture. Et un endroit où vous l'écoutez jamais ? J'écoute jamais dans la douche. Et ça, je vois pas les gens qui écoutent la radio dans la douche. T'as de l'eau dans les oreilles. Comment faire ? À fond. Merci pour les voisins. Votre meilleur souvenir de radio ? J'ai des souvenirs de d'émissions collectives qu'on a faites sur Radio Nova, où il y a tout le monde qui parle, où c'est le bordel, où on a envie de pleurer, de rire, où il est tard et on se dit que les auditeurs n'entendent pas ça ailleurs. Le pire souvenir ? Oh, les premiers micros. Une fois, je suis venue faire une chronique en direct que j'avais oublié d'écrire. Je n'avais rien à raconter. C'était nul. Eh ben, on va l'écouter justement. Non, pas du tout. On l'a pas. Pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio. Faites-en. Ça se fait, la radio. Enregistrez-vous sur des notes vocales. Essayez de faire des interviews aux gens qui vous intéressent. Parlez des disques qui vous plaisent. Faites de la radio. Ne faites pas d'école. N'attendez pas de faire des écoles de journalisme. Faites les choses. Il suffit de faire ça. Merci Sophie Marchand. On vous retrouve donc tous les matins de 9h à midi sur Nova. Vitamine So juste avant. Ouais, merci mille fois de l'invitation. C'était un plaisir de parler avec vous, d'avoir le temps de parler de radio.